Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bienvenue sur Pun Radio. Donc un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Mais on va récupérer, on va finir un petit peu plus tard. Tant pis pour Michael, pour Seb. Non, c'est pour Seb. Donc tant pis pour lui. Donc on finira un petit peu plus tard ce soir. Donc bienvenue, vous êtes sur Fun Radio. Donc si vous voulez nous appeler 0803 70 5000. Non. Quoi non? Qui c'est qui me dit non? C'est pas ça le numéro. Oh ta bouche à toi Médor. C'est pas ça le numéro. C'est quoi le numéro alors? T'as qu'à l'annoncer toi. 0803 08 5000. Pas 70 5000. Eh ben alors 08 5000. Voilà, 0803 08 5000. Merci. Rigo, qui est toujours sur l'internet, www.frfunradio. Bonsoir. Donc, bonsoir à toi, Rigo. Ouais. Comment vas-tu depuis hier? Ben, mieux. Mieux? Mais je vais te demander de pas trop crier, parce que j'ai très mal au crâne, et voilà, quoi. Ok. Ben, ça va dépendre des auditeurs. Ah non, ben non. On a le temps, vas-y, on a le temps. Ça va dépendre des auditeurs. Donc, au standard, vous avez Fildar qui vous accueille et Apolline. Donc, si je pouvais avoir la première feuille pour le premier débat qui va passer sur les 35 heures. Alors, on va accueillir pour ça Gros Chamolo, 21 ans de Grenoble. Chamal. Non. Mais vous êtes gentil là au standard. Ouais. J'avais entendu. Je voudrais que vous me mettiez les fréquences. Non mais il va les dire, ils vont les dire en même temps, chacun leur tour, ça ira plus vite, tu vas les noter, vas-y. Alors, salut gros chamallow. Gros chamallow. Ouais, salut, bonsoir. Ouais, ta fréquence 105.4. Ouais d'accord, ah, toi t'es vachement réveillé, ça fait peur. 100.4. Ouais, excuse-moi mais je m'étais un peu endormi en t'attendant si tu veux. Hein, c'est ça. Va te casser. Non mais je sais pas, moi je serais toi, je m'excuserais quand même auprès de tous tes auditeurs parce que ça se fait pas. Quoi. Non mais attends, gros chamallow, pour l'instant je te demande la fréquence de ta radio, t'es à moitié endormi. Alors moi, déjà non, endormi comme endormi, ça... C'est ma voix, je suis un peu... Bon, ça commence. C'est bon. Allez hop, va te casser. Bah non, écoute... gros chamallow. Gros chamallow. Ça va casser, c'est l'autre auditeur, gros chamallow. Gros chamallow, tu te calmes. Ouais. Oh, moi, okay. Je suis tout à fait tranquille, moi. C'est pas moi qui suis arrivé en retard. Oh là là là là là là. Mais attends, il... on en parle plus, c'est pas grave. Alors, va te casser, 19 ans de Paris, donc Fun Radio, c'est 101.9. Salut Gérard, c'est ça va casser, hein. Ouais. Donc, Eva... Eva Laguiller, oui. ta fréquence, s'il te plaît. Montpellier. 101.9, non, ah oui, Montpellier, bah oui, non, je... 94.3. Oui, c'est ça. 80... Qui c'est qui vient de me dire ça? C'est moi, ma biche. 94.3. 3. Et Petit Roux, 22 ans. Petit Pou, de 22 ans de Limoges, la fréquence. 92.4. Bonsoir à mon pote GG de Fun. 92.3. Ouais. Ouais, ben, toi, t'as intérêt de faire gaffe parce que. Y a pas de problème. Ouais. Ok. Donc, alors, malgré qu'on soit en retard, c'est pas de ma faute, hein. Ouais, donc, on attaque. Alors, que pensez-vous du passage des 39 heures aux 35 heures? On va demander ça à, Chamallow. Chamallow. Ouais. Bah, 39 heures, à 35 heures, enfin, ça dépend ce que t'entends par là, quoi. Est-ce que c'est sur une semaine, c'est sur un mois, comment? Ah, il y a la radio, là. Hein. Allô? Oui. Non, mais on t'écoute, gros chamallow, vas-y. Ah, on t'écoute. Ah non, je te posais une question, c'est-à-dire le passage des 39 aux 35 heures, mais c'est par rapport à quoi? À une semaine, à un mois, à quoi? Mais justement, la question va être posée. Donc, moi, je te demande, que pensez-vous du passage des 39 heures aux 35 heures? C'est okay, tout. OK, bah, je vais te répondre. Alors, s'il s'agit du boulot, bon, bah, je trouve ça plutôt bien, mais si maintenant il s'agit des heures de sommeil, je trouve ça moins bien. Ah, tu m'as déçu, Batman. Bon, je crois que ouais. Sur qui c'est qui m'a choisi les auditeurs? Je sais pas. Bon, on peut faire c'est le débat là, parce que je me lève tôt demain, donc t'es déjà à la bourre. Oui, Tony. Alors, Tony, tu vas fermer ta gueule. Ouais, d'accord, pas de problème. Mais on peut faire le débat quand même. Ouais, non, mais tu vas fermer ta gueule. Okay, tu t'appelles comment, toi? Gros chamallow. Ouais, bah alors, il m'avait bien semblé avoir dire que je ne voulais plus que tu passes dans mes débats. Je ne veux plus que tu passes dans mes débats. Je me suis assagi et je m'excuse. Non. Terminé. Rigole, les malades. Hop. Allez, c'est bon. Non, mais moi, je veux plus que... Gérard. Calme. Oh, non. Eh, qu'est-ce que... Calme, Gérard, crie pas. Bon, il est pas là, il est parti. Non, mais... attendez, 5 minutes là. Qu'est-ce qu'il y a, Gégé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'avais dit? Non, mais je suis d'accord, mais je viens d'arriver. Hier, il a appelé. Ouais. Il a dit à demain. Donc moi, je veux pas qu'il passe dans les débats. Il a interdit le débat. Parce que j'aime pas qu'on me dise que je viens de la DAS. Ok. Ok. Clair et net, précis. Ok, remets ton casque, on y va. Tu me reprends quelqu'un d'autre. Ok, on y va. Allume ton micro, voilà. Bon, Gérard. Alors, Rigaud. Oui, donc pour calmer un petit peu tes émois, il y a Davy One sur l'IRC qui me demande comment on va faire pour travailler 35 heures par jour vu qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Ben ouais, mais là c'est le problème. Mais ça, la question, on va y arriver. Parce que c'est vrai que, en fin de compte, on travaille que 24 heures dans une journée, mais c'est de la faute à qui ? C'est pas de notre faute, c'est de la faute du gouvernement. C'est le gouvernement qui a décidé de passer aux 35 heures. Pourquoi? On n'en sait rien. Peut-être pour créer plus d'emplois. On ne sait pas. Parce que pour l'instant, même avec les 35 heures, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Merci Manu de me baisser le son. J'ai coupé les auditeurs. Ouais. Ouais, non mais... C'est pour que tu puisses mieux parler, Gérard. Ouais, mais... Commence pas à m'engueuler, c'est pour ton bien que je fais ça. Ouais, mais... Ça fait du bien, ça fait moins de souffle. Donc, en maintenant, il est content? Je lui ai demandé. Et sinon, on me demande 35 heures, ça fait combien en minutes? 35 ouais. Heures, ça fait 1h05, hein, c'est tout. Hein. Bah oui, c'est pas con. Bah, en plus, c'est hein. C'est clair. Gérard, à la place de Tony, on il accueille... Il est content, hein, il est content le mec. On accueille Petit Sourcil, bonsoir. Non, mais attends. Non, mais c'est pas lui. Attention, attention. Bah dis-lui attention, bonsoir, Gérard. Non, attends. Oui. Attends, Fildar, avant d'accueillir la personne, oui. Moi je vais te dire une chose, c'est pas la peine, même avec Apolline qui a été à côté, c'est pas la peine d'essayer de me virer les gens pour les prendre sur d'autres. Non, mais essaye. Parce que là, je sais. Là, non, mais moi je vais te dire une chose, oui. Si vous jouez une comme chose. Ça, la semaine prochaine, il n'y aura qu'un débat. Ok, tiens, bonsoir Petit Sourcil. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Ça va? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ouais. Et en plus, j'ai pas bu mon café, donc je suis de mauvaise humeur. Ah non, mais t'inquiète pas. T'appelles d'où? De Tulin. Et c'est quelle fréquence? 98.8. 98.8. Non, parce qu'il note, hein. Il note. 8. Tulin, c'est où ça? Ah, c'est pas loin de Grenoble. Ouais, c'est ça, d'accord. Ok, je vois. Ok, donc on va revenir sur la première question. Si je pouvais avoir un peu plus de lumière pour lire les questions, ça serait un peu, okay, ça serait sympa. Ouais, on va gérer la lumière. Voilà. Voilà. Alors donc on va demander maintenant ça à Bat Cassé. Ouais. Moi je pratique une profession qui ne nécessite pas de travailler beaucoup. Je fais un métier de rue, donc je travaille environ 20 heures par semaine à 400 balles de l'heure, ça me fait 8000 balles par semaine, donc je me prends des 35 heures. Non, mais attends, va te casser. Oui. Je te demande pas combien tu gagnes et tout ça. Moi, je te demande, que pensez-vous du passage des 39 heures aux 35 heures, c'est tout. Bah, moi, ça me concerne pas, je t'ai dit, je bosse 20 heures, mais sinon, pour ceux qui se crèvent le cul à bosser 39 heures, bah, tant mieux pour eux, quoi. Et c'est quoi tes tarifs? Non, mais attends, toi, celui qui parle derrière, pour l'instant, tu te tais, s'il te plaît, merci. Non, je demandais ses tarifs, c'est non, tout. Non, mais c'est pas cher. C'est combien? Tarif de groupe, 500. Ah, bon, ouais. Alors... pas mal, c'est vrai. Tu fais des réductions pour les chômeurs et les militaires. Eva la Guillère. Oui, c'est moi. Bah, alors là, je pense qu'avec les 35 heures, je crois qu'on nous ment, on nous spolie. Ouais. Parce que les 35 heures, c'est quand même un gros mensonge, hein, parce que on pense pas assez aux pêcheurs de poissons qui, eux, ils font beaucoup plus de 35 heures ou de 39 heures. C'est vrai. Et je trouve que c'est dégueulasse, quoi. Et je voulais le dire. Non, mais attends, hé. Eva Laguiller. Pour l'instant, je te demande, que pensez-vous du passage Que pensez-vous du passage? Je te demande pas qui. Si c'est vrai ou si c'est faux, on s'en fout. Mais pour l'instant, moi, je te demande l'histoire du passage. C'est tout. Mais oui, mais je te le dis, Gégé, je trouve que c'est dégueulasse parce que c'est pas assez, quoi. C'est encore trop, je trouve. Mais ouais. Gérard. 35 heures, c'est beaucoup trop. Gérard. C'est qui? Ouais, c'est Gros Chamallow parce que j'ai une question à te poser. Gros Chamallow, normalement, il doit plus être là. Ouais, attends, deux secondes. Je voulais juste savoir. C'est qui qu'on a viré? Quand ça passe des 30. C'est Tony qu'on a viré. Ouais, mais à la place de qui? Tony, c'était Petit Pou. Excuse-nous, Gros Chamallow. Hein. Bah oui. Non, je voulais savoir quand ça passe des 39 heures aux 35 heures, qu'est-ce qu'on fait des 4 heures enlevées? On les replace où? Non, ouais. Mais attends, mais là... Bah tu viens voir si t'as le temps. Non, oh. Vous vous calmez, s'il vous plaît, merci. Ok, monsieur. Moi, il y a une question qui me vient à la tête. C'est vrai que les 4 heures à Passou. Bon, les 4 heures, c'est pour aller chercher vos enfants, ceux qui ont des enfants qui sont à la crèche ou autre. Ça prend 4 heures, ça. Mais non, mais même, ça leur permet. Non, mais attends, s'il vous plaît. Mais non, mais attendez, laissez-moi parler. Non, mais c'est un vrai problème. Moi, j'ai dit. Oh, mais merde, laissez-moi parler, c'est moi qui commande. Ça prend plus de 4 heures, quoi. Oh là là. Mais c'est qui ce bouffon là qui parle? Ah, c'est intéressant ce qu'il dit pourtant. Oh ouais, bah là tu me mettras encore plus de son. Gérard. Oh là là. Oh. Sur IRC il y a Belge. Putain, Manu. Gérard. Sur IRC il y a Belge Boris. Et il te demande, vu qu'on passe de 39h à 35h, est-ce que le TGV Paris-Bruxelles passera de 3h à 2h? De toute manière, il a toujours fait 2h. Hein. Ça bougera pas. Maintenant, ça va être les machinistes. Et ça, justement, les questions, on va y arriver. Mais à une condition que, Manu, tu me passes un boulot correct. Je coupe les auditeurs quand tu parles. Pour l'instant, j'ai un retour de son pas possible. Non, mais il y a une petite réverbe, mais autrement, on va pas travailler comme ça. Vas-y, mon chou. Vas-y, ça y est. Vas-y, ma biche. Alors, donc, on va demander à Petit Roux, il est plus là, donc c'était Tony. Et à la place, t'as Petit Sourcil. Hein. À la place de Petit Tony, Roux. Petit Sourcil. Voilà. Alors, Petit Sourcil, à toi. Ce que je pense des 35 heures. Ouais. Non, je pense que si on parle des 35 heures, il faut quand même parler des fonctionnaires. T'appelles d'où, s'il te plaît J'ai dit Tulin. Tulin, et ta fréquence, c'est 98.8. Bingo. Tu la sens bien, non? Ok. Vas-y, qui c'est qui a un portable? Pas qui moi. C'est qui a un portable? Non, crie pas, s'il te plaît. Oh là là! Hé! Bon, alors, attends, Rigo, oui. Si tu veux pas que je crie, ouais. Retire 5 minutes ton casque, parce que là, je vais m'énerver. Ah merde. Alors, c'est à vous! Oui. Là, vous avez fait quoi? Vous m'avez choisi des auditeurs avec des portables? Mais non, il n'y en a aucun. Non, si! Oh, ouais! Tiens, ta fiche. Allô, Gérard. Toi, tu vas faire ton boulot correctement. La semaine dernière, t'étais malade, hein? Alors maintenant, tu as écouté ce que je vais te dire. Sinon, ça va pas aller. Ok. Alors maintenant, vous t'emmerdez. Ta gueule! Voilà, ta gueule. Alors va-toi enculer, connard. Hop. Bon, on Gérard. Commence déjà bien. Gérard. Alors maintenant, vous t'emmerdez. Gérard. Au standard. Gérard. Ouais. Sur IRC, il y a Yankee. Qui te... Quoi, je suis fou. Gérard, tu m'écoutes? Non, je parle de Manu. Gérard, tu m'écoutes? Il y a Yankee sur IRC, il te dit en fait que tu t'es perdant si on passe aux 35 heures, vu que déjà que t'es pas beaucoup payé pour 3 heures, si tu dois en faire 35, tu vas encore te faire enculer, quoi. Non, mais ça regarde personne. Ça, c'est mon problème avec... Non, mais c'est pour toi, mais comme pour tout le monde, non, en fait. Non, mais moi, c'est le problème avec la direction. Ça regarde personne. Donc, je répondrai pas sur cette histoire-là. Donc, que je sois payé 35 ou 39, ça regarde personne. Ok. Alors maintenant, moi, une chose que je vais vous dire, vous avez intérêt de faire votre boulot correctement, bien avant que j'arrive. Parce que là, vous me choisissez des auditeurs que j'aime pas. Mais ils étaient bien avant que t'arrives, mais t'es arrivé trop tard, en fait. Oui. Alors, Tony, hier, j'avais bien précisé que Tony passait pas. Et pourquoi qu'il est passé? Hein? Au lieu de regarder ce que tu vas mettre comme musique. Bah oui, excuse-moi, hein, je prépare. Ouais, non, mais tu prépares, mais moi, je voudrais bien que tu répondes. Hier, c'était bien précis. Bah, j'avais pas compris ça, moi. Ouais, t'avais pas compris, tu comprends jamais rien, bah toi. Bah non, hein. Je suis désolé, Sandy, elle m'avait dit que c'était possible, donc c'est pour ça. Non, Sandy, elle passe sur le deuxième débat et personne va la faire chier à la maison. Parce que maintenant, les gens c'est qui vont faire... C'est pas ça que je te dis. Maintenant, Sandy, vous allez lui foutre la paix, les autres. D'accord, mais c'est pas le débat. On fait le débat ou pas? Voilà. Bah alors, tu me refais la liste correctement. Ouais. Pour l'instant, il y a donc Eva Laguiller qui voulait répondre. Donc, Eva Laguiller, je t'écoute. Bah, j'ai déjà répondu, hein, GG. Alors. Ça va casser. Ça va casser. Non, ça a déjà répondu aussi. Exact. Ah, gros chamallow. Ouais. Il a déjà répondu. Eh bah, il y a petit sourcil alors. Non, mais j'ai pas répondu, Gérard. Voilà. Qui? Petit sourcil. Bah alors, je t'écoute. Donc, je disais que pour parler des 35 heures, il fallait avant tout parler des fonctionnaires. Parce que... Ouais, mais attends, petit sourcil. Oui. Ça, c'est une question que qui est... Non, mais qui est dans les débats. Ah, d'accord. Mais moi, je te demande, que pensez-vous du passage des 39 heures aux 35 heures? Ah, ok, non, j'avais est-ce mal que compris. Pour vous, est-ce que pour vous, les 35 heures sont bien ou les 39 heures? Que préférez-vous là-dedans? Ah, bah oui, non, mais oui, d'accord. Non, moi je sais pas, non, moi je préfère les 39 heures, comme ça c'est, comment dire, c'est plus traditionnel, comme horaire. Mm-hmm. Et alors que 35 heures, ça fera plus feignant, si tu veux. Ça fera plus fonctionnaire, justement. Ouais, non, mais de toute manière, tu fais 39 heures, c'est 7 jours sur 7. T'es d'accord avec moi? Ouais, bah ouais. Et 35 heures, c'est... tu retires 2 jours, ça te fait 5 sur 5. Ouais, à peu près, ouais. Hein? Mmh. Ça fait 1? Ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ouais. Parce que t'en as qui travaillent le samedi et le dimanche. Ouais. Ça, c'est pour les agents de sécurité et tout ça. Mais ça fait combien en euros? Ah, ben ça, justement, on verra ça après. C'est une question, hein, oh. On verra ça après. On avance vite, hein, ce soir. Gérard? Okay. Gérard, c'est moi. Sur IRC, on est déjà 6022. Oh là là, hein, joli. Wow. 6022. Ça, c'est beau, ça. Et il ouais. Y a Rip qui te demande si maintenant les épiceries seront ouvertes 35 heures sur 35. Alors, les épiceries sont ouvertes 7 jours sur 7. On est bien d'accord. Donc, ils sont fermés un jour par semaine. Donc, ça fait 7 jours sur 6. Mais c'est vrai que... les épiceries, je pense pas que puissent faire les 35 heures, à mon avis. Et sur l'IRC, comme j'ai oublié de préciser avant d'arriver, je veux qu'on atteigne qu'on dépasse le record de la semaine dernière, c'est-à-dire les 8723. Je veux qu'on arrive à 10 000. Parce que Max, en semaine, il arrive pas à faire ça. Ton donc, sans problème. Comment ? Ouais, mais c'est pas toi aussi. Hein. Soit t'es doué aussi pour attirer les gens sur l'IRC, quoi. C'est vrai. Non, parce que la question est pas c'est là. C'est pas le débat sur Internet. Non. La question clair, est pas on là. On enchaîne. Alors, pensez-vous que les 35 heures, il y aura moins de chômage ? Pensez-vous qu'avec les 35 heures, il y aura moins de chômage ? Voilà la question. Alors on va demander. Oh là là. Gérard, avant non, que. J'ai trouvé. Excuse-moi, Rigo. J'ai trouvé en fait, c'est pas un portable, c'est que Petit Sourcil est dans une cabine. Parce que chez lui, il a un problème de téléphone, donc il a préféré. Ah ouais, mais là. Ouais, mais la cabine, c'est faux, bon. C'est faux. Non, Petit quoi, Sourcil. C'est faux. C'est pas vrai. J'ai un bon téléphone. Ouais, mais qui c'est qui a un bruit comme ça là? Ah, c'est pas moi, Gérard. Je t'assure. Non, c'est ma sœur qui bat le cul d'un catcheur entre à 90 à l'heure. Ouais. Putain, ok. Ça vas-y, Rigo. Excuse-moi. C'est beau. Rigo. Alors, c'est Snooze qui te demande, est-ce qu'on va être obligé de tous racheter des montres où il y a 35 heures, en fait? Parce qu'il n'y en a que 24 pour l'instant. Non. Non, on n'a pas besoin de racheter de montres pour ça. Donc, alors, la question, c'est, pensez-vous qu'avec les 35 heures, il y aura moins de chômage? On va demander ça à Gros Chamallow. Bah, écoute, moi, je pense que le problème, c'est qu'il y a un moment, il y en aura moins, et puis il y a un moment, il y en aura plus. En fait, parce que, comme tu es au courant, il y a l'heure d'hiver et l'heure d'été. Alors, je sais plus, c'est en été où on gagne une heure ou je sais plus quoi, et puis en hiver... Mais attends. Alors, tu me laisses parler. Bon, allez, hop, terminé pour lui. Hop, mais au revoir. Gros Chamallow, bonsoir. Parce pourquoi que on parle pas des heures. Ok. Bah, j'allais te répondre si tu me laisses. Non. Allez, hop, bonne nuit, au revoir. Mais bah non, mais attends, et si tu veux poser une question, je te donne une réponse. Non, non, moi je te dis au revoir. Je veux plus t'entendre. Ton cul. Bon, alors Manu. C'est pas moi, Gérard. T'arrêtes tes conneries ou sinon je te balance. Je te balance ça dans ta gueule. Arrête. C'est pas moi, regarde. Vous arrêtez vos conneries avec Christine. Ok. Pourquoi t'as 0 dans mon porte-monnaie? Ce n'est pas moi, Gérard. Calme-toi. C'est qui? Mais c'est qui alors, Manu? Je sais pas, mais c'est pas qui, moi. Ça vient d'où? Ah là là. Gérard, tu vas où, vas-y, ouais. Ferme la porte pour sortir, c'est mieux. Ah, Gérard. Là, je pense qu'il cherche le chef. Il cherche le chef. Bon, qui a fait Christine là? Tu es une lumière de toi, je chope Max. Bah vas-y, mais c'est non, pas non, moi tu, alors, c'est tu pas me le problème. Les DVD là. Mais y'en a pas. Les DVD. Hop, tu me retires ça. C'est le répondeur. Ouais, mais je m'en fous. Bah moi, ouais, tu t'en fous. Viens t'asseoir, il a entendu, il va arriver. C'est pas Christine. Oh là là. J'en ai marre. C'est pas. C'est pas moi, c'est un auditeur. J'en ai marre. Gérard va se rasseoir. Ça y est, t'as fini. Ok. Tu me rapaces Christine. Je te balance tout là. Mais c'est pas moi. Tu te démerdes! Bah, je peux pas gérer les auditeurs tu de l'AREA. Tu te démerdes! Bah non. Je veux pas le savoir! D'accord. Allez, on reprend non, dans le calme. Vous allez pas me casser les couilles ce soir, hein! GG, on reprend dans le calme. Ça va se casquer? Putain, il peut casser. Pas tuer, on va tranquille, lui. Oui? Ça y est, t'es calmé? Gros chamallow, tu me le vires, hein? Ouais, il est viré. J'en veux plus. Ouais, ouais. Alors, ça va se casser? Je sais plus ce que c'était ta question, tu m'as. Est-ce qu'avec les 35 heures, tu penses qu'il y aura moins de chômage? Alors, pensez-vous qu'avec les 35 heures, il y aura moins de chômage? Il y aura plus de travail, ouais. Non, moins de chômage. Bah oui, il y aura plus de travail. Ouais, mais la question c'est, pensez-vous qu'il y aura moins de chômage ou pas? C'est ce que je te dis, Gérard. Ouais, mais d'accord. Mais il y aura plus de travail à une condition que le. Qu'il y ait moins de chômeurs. Non, mais à une condition que les patrons soient d'accord pour embaucher. Ah bah ça, c'est leur problème. Hein. Il y aura moins de chômeurs, il y aura moins de travail. Mm-hmm. Mais ils gagneront plus. Ouais, mais ils gagneront plus sur quoi? Bah sur leur fiche de paye. Ouais, peut-être. Tu vois pas ce que je veux dire? Si, mais je pense pas, hein, à mon avis. Bah c'est pourtant simple, hein, mais... J'attends, Gérard, que tu finisses, parce qu'on va accueillir le nouvel auditeur. Ben, on peut l'accueillir tout de suite, si tu y as... c'est pas ça, le premier auditeur. C'est André. Il a 26 ans, il appelle... Alors, je te préviens, Fildar. C'est André qu'on accueille, c'est pas un ro. Non, mais moi, je te préviens. Oui. Ou ce soir, vous me faites du boulot correctement. Ouais, mais il va être correct. Ou vous me faites de la merde, tous les deux. Parce que là, pour l'instant, l'autre, toi, t'es en train de dessiner quoi, là? Hein? Tu dessines, là, ça sonne, tu fais rien. Écoute, Gérard, t'as assez de temps, on va pas en prendre d'autres. Non, moi, je veux pas le savoir. Alors, vous démerdez. C'est à vous de faire votre boulot, c'est pas à moi. C'est pas moi qui ai au standard, ok? C'est okay. À vous de faire votre boulot. On sait faire notre boulot. Vas-y, Gégé, accueille André, là, il s'impatiente. Ouais, tu vois. André, 25 ans de Bourges, salut. Ouais, salut, ça va? Gérard, salut, c'est André. Salut. Ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah, je sais pas, je demandais comme ça pour être poli, quoi. Donc, la question, c'est, pensez-vous qu'avec les 35 heures, il y aura moins de chômage? On va demander ça à Eva Laguillet. Ouais, alors, pour les 35 heures, à mon avis, de toute façon, il n'y a plus de boulot. Hein, la boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Attends. En quatrième top. Oh, ta gueule, toi! Mais non, mais j'essaie de répondre exactement. À ta question, Gégé. Bon, alors, au quatrième top, il sera qu'on va mettre un disque. Et vous me faites chier. Mais non. Vous me faites chier. On va mettre un disque. Les ouvriers en retard avec après Bouffé, c'est... Répète du début, Gérard, parce que là, on n'a rien compris. Les ouvriers en retard avec après Bouffé, c'est Hiroshima. Hiroshima, dans mon slip. Et on se retrouve juste après. Et voilà, vous venez d'écouter les ouvriers en retard avec après Bouffé, c'est Hiroshima dans mon slip. Donc vous êtes toujours sur Fun Radio, donc il y a toujours Manu qui vous attend à l'AREA. Ouais. Donc vous allez attendre longtemps. Fildar au 0803-070-5000. Et 0803-08-5000, pas 70-5000. Eh ben, faudra peut-être que je le marque et je m'en souviens. Bah oui. Et toujours Rigo qui est sur l'IRCWW.fr Fun Radio. Toujours, toujours. Et il y a Rip qui te fait un compliment. Il dit que tu es le politicien de notre débat. Eh, c'est bien. Et on est combien, s'il te plaît? On est 6847. Bon. Putain. Eh, oh, oh, j'avais une fiche. Bah, elle est là, elle est là. Je t'ai renoté, là, juste là, parce que j'ai bah non, mais j'avais déjà marqué un chiffre. Bah oui, il est là, 6000. 6000. Il a remarqué que le record. Ah ouais, mais il me l'avait passé. 6847, hein, voilà. C'est ça? Ah bah non, ça a monté en fait. Depuis, on est 6924. Ah, 6924. Donc, on accueille pour la suite des débats. Donc, vous êtes toujours sur Fun Radio, donc avec Gérard, les débats du jeudi. Donc, on accueille pour ça Vasse Cassé. Salut Gérard. Ça va casser, pardon. Gros salut, ouais. Ouais. Eva Laguillet. Oui, bonsoir. André. Salut, tu vas bien? Et Henri... Kratzabi. Henri Kratzabi, 23 ans de Lille. Oui, bonsoir, bonsoir à toi Gégé. Bonsoir à toi. Bonsoir à toute l'équipe. Salut. Salut. Salut. Alors la question c'est, ben oui, ben c'est, on en revient toujours à la même question, c'est que pensez-vous des... Pensez-vous que les 35 heures, il y aura moins de chômage? Alors moi, j'étais en train de répondre, Gégé. C'est qui? Eva Laguillet. Oui. Alors en fait, je te disais que, en fait, avec les 4 heures en moins, là, il y aura moins de rendement. Donc forcément, il va falloir rattraper les choses. Donc forcément, les patrons, ils vont plus embaucher. Donc, à mon avis, il y aura moins de chômage. Oui, mais il y a une question que je veux te poser. Oui. Par exemple, si la personne veut, non mais ça c'est des questions que je vais passer lors du débat. Question, oui. Mais qu'est-ce que tu penses toi? Ça fera moins de chômage. Par exemple, est-ce qu'ils vont remplacer les personnes qui sont pré-retraitées? Est-ce qu'ils vont les remplacer par des jeunes ou pas? Bah, à mon avis, oui, il y aura plus de jeunes, il y aura des systèmes de stage pour... Les pré-retraités, à mon avis, ils vont faire des systèmes de stage avec les jeunes pour expliquer le métier, des trucs comme ça, tu vois. Mmh. Bah, Tu penses que les jeunes de moins de 25 ans, parce que maintenant, d'après ce qu'on voit sur les journaux, et j'en ai encore vu un hier... Mmh. Tu penses que les moins de 25 ans, si t'as plus de 25 ans, tu pourras trouver un emploi ou pas? N'importe quoi. Bah, je pense pas. Enfin, disons que les études, elles sont de plus en plus longues déjà. Donc, avec un bac plus 2, t'as rien. Donc, on fera des études de plus en plus longues. Donc, avant 25 ans, c'est dur de trouver du boulot. Mmh. Et puis, après 25, c'est assez difficile, mais ce sera plus facile plus tard, à mon avis. Non mais moi, voilà, je suis optimiste, mais bon. Non mais moi je pense une chose, c'est que là j'ai vu un reportage encore aujourd'hui. J'ai vu un reportage, ouais. Mais je peux vous dire une chose, que l'histoire des 35 heures, à mon avis, c'est de la merde. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, par exemple, une personne qui a 55 ans, par exemple, c'est un machiniste. Ouais. Un conducteur de bus ou autre. Ouais, je vois bien, ouais. Hein? Il va pas être remplacé par un jeune, parce que le jeune va falloir le former. Bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Et donc, la formation, qui c'est qui la paye? C'est le contribuable. Non. Les vieux. Non, non, ça va pas être l'entreprise, ça va être la NPE. Et la NPE, en ce moment, ils sont en déficit et ils sont pas capables de trouver du boulot. Boucher le trou de la NPE. Hein? Donc. Boucher le trou de la NPE. Bon, toi, tu fermes ta gueule. Bouchez-moi ton trou. Bon, Gérard. Allez. Sur IRC, il y a Ice-T qui me dit. Aïsti qui me dit, Gérard, c'est 35 conneries toutes les 35 secondes et un changement de slip toutes les 35 heures, ça changera donc pas grand-chose. Bon, lui, il va se faire foutre. Hop, terminé pour lui, sa réponse, elle est claire. Alors donc, pour répondre à Eva Laguillet. Oui. Donc moi, je vais te dire une chose. En fin de compte, c'est pas nous qui décidons, c'est les entreprises. Et les entreprises, s'ils ont pas envie de prendre un jeune de moins de 35 ans, ne pourront pas. Un jeune de moins de 50. Oh, tais-toi, toi. Ah, mais précise. Ta gueule, à toi. Pour l'instant, je t'ai pas appelé Potchum. Okay, quand je t'appellerai Potchum, tu sortiras de sous le lit, ok? Vas-y, enchaîne. En de bon entendeur, salut. Ciao. Mais tu sais, de toute façon, je pense que les patrons, c'est des pourris. Faudrait leur mettre la tête sur un pic. Mmh. Voilà, faire la révolution. Exactement. Mais non, mais même, de toute manière, faut voir les patrons qu'il y a à l'heure actuelle. Maintenant, les patrons, c'est quoi? C'est des vieux. Ils sont même pas capables de partir à la retraite pour laisser la place aux jeunes. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Voilà. En fait, faudrait faire que des gens à peu près de moyenne de 30 à 40 ans. Hein. Ben ouais, mais regarde. Regarde, t'as qu'à voir n'importe où, même pour remplacer une personne qui part à la retraite, le patron, dès que t'as un jeune qui se présente, oh ben non, de toute manière on reprend personne. Pourquoi? Parce que il sait très bien que sa boîte elle va couler. Bah oui, forcément, ils veulent pas prendre du fric pour les former, donc forcément ils prennent. Et voilà. Et voilà. Alors pourquoi il y a tant de chômage? C'est à cause d'eux. Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut les suivre. Ok, merci Eva. De rien. Donc André. Ouais. Tu vas bien? Tu réponds s'il te plaît. Y a plus de tu vas bien maintenant. Ah, ok. Bah moi je crois que ouais effectivement ça risque de. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu parce que je crois que ça risque de comment de faire baisser un peu le chômage quand même, ouais. Bon André. Ouais. T'as du monde derrière toi? Bah non, j'ai personne derrière moi, non. T'es avec un portable? Je veux bien être derrière André, moi. Bon, non, c'est pas un portable, c'est simplement un vieux téléphone qui est depuis 1978, mais... Non, mais attends, André, tu vas aller voir Pildar, parce que pour l'instant, t'as un son pourri, ai marre. Gérard, c'est pas que André a un son pourri, c'est qu'en fait, quand tu mets quatre auditeurs ensemble, t'as l'impression que André a du son pourri. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais attends, parce que là... Gérard, je t'entends super bien, tu vas bien? Allô? Oui, il t'entend, André. Il est énervé, je crois. Demande à Henri Krabzobi. Ouais, GG. Bon, Henri. Ouais, c'est Henri Krabzobi. Bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que je pense que si tu travailles seulement 35 heures au lieu de 39, ça te laisse quand même 4 heures de plus dans la semaine pour aller chercher du taf. Donc, 4 heures de plus pour trouver du taf, donc moins de chômage quand même. Si non, mais attends, Henri. Bah, si, ça te laisse 4 heures de plus pour aller à la chercher. Henri. Ouais, tu peux m'appeler Krabzobi. Ouais. Henri. Oui. Moi, je vais te dire une chose. C'est que pensez-vous, les 35 heures, y aura-t-il moins de chômage? Bah oui, parce que t'as 4 heures de plus pour trouver du taf, c'est évident, c'est mathématique. Non, mais attends, Henri. Ouais. Henri, faut te dire une chose, que si c'est passé aux 35 heures, c'est que t'as pas 4 heures de plus pour aller rechercher du taf, c'est que t'as 4 heures de plus pour être chez toi... Pour être chez toi avec ta famille, c'est tout. Ou pour chercher du boulot, j'ai le droit de chercher du boulot si je veux pendant ces 4 heures. Ah ouais, mais attends, mais dans ces cas-là, toi, tu rentres dans une catégorie qui est pas bonne. Si tu me dis pendant 4 heures je vais chercher du boulot, vu que t'as un boulot, donc toi tu rentres dans une faute. Ben non, pourquoi? Je veux juste trouver un petit boulot de 4 heures pour compléter ma semaine. Ça s'appelle quoi, ça? Ben j'ai le droit d'avoir du blague. Ça s'appelle du travail au noir. Non, j'ai le droit d'avoir de taf. Non. Ah bah ben, si. Henri. Ouais, quoi? Oh. Non, c'est vrai, il a le droit. Ouais, non, parce que, faut que ça soit déclaré à la sécu. Henri, alors... t'as le droit, hein. Vas-y, Henri. T'as le droit, hein. Non. T'as mais Manu, arrête de gueuler, de dire que c'est faux. Arrête, d'accord. Hugo, il est malade. T'as des mecs qui sont animateurs de jeudi brésilien le reste de la semaine. Putain, tu me fais chier, toi, hein. D'accord. Il a quand même réussi à percher le soutif sur... Gars, tu commences à me faire chier, hein. Arrête tes faux, là. D'accord. Ouais, Gérard, c'est André. Moi, je voulais juste dire qu'effectivement, on a le droit d'avoir plusieurs emplois. C'est faux. Parce que tant que tu t'as un certain nombre d'heures par mois, c'est bon, quoi. Ouais. T'as des animateurs le jeudi, des Brésiliens le reste de la semaine, hein, ça existe. Hein. Tu veux parler qui, le Brésilien de Max? Alors Max, il t'emmerde, d'accord? Non, alors toi, tu vas te faire enculer. Tu dégages. Gérard. Tu dégages. Mais tout le monde non. Allez hop. C'était qui, Henri Krabzobi, c'est ça? Je veux pas le savoir. Le dégages. C'est hop. Dehors. On n'insulte pas un chef comme ça. Mais pourquoi tu dis que c'est une insulte en Brésilien, quoi? Non, mais attends. C'est pas sympa pour les Brésiliens. Hein, oh, faut arrêter vos conneries un peu, là, bande de caves, hein. Rigo, une question IRC? Ah bah, il y en a plein, faut que j'en trouve une, parce qu'elles sont toutes aussi bien les unes que les autres. Alors, je te jure, c'est grave. Voilà, on va prendre celle de LGM, le Gérard Masqué, qui se demande si passer aux 35 heures, c'est pas avancer vers le bug de l'an 2000. Super. Ça c'est vrai que là on arrive bientôt sur l'an 2000 et c'est vrai que oui, alors, le bug de l'an 2000. Ouais, mais je pense que si. On va taper dedans. Hein. Malheureusement. Taper dans quoi? Dans le bug de l'an 2000. On parle pas de pont. Arrête, Gérard. Toi, tu fais gaffe à ta gueule. J'ai rien fait. Arrête de péter. Je te signale parce que sinon tu vas aller voir ton bébé rose. À la place d'Henri Kratzobi, Gérard, que t'as viré, on accueille Jean-Hubert, 27 ans de. Ouais, non, mais attends. Toi, c'est pareil. Regarder, regarde, il est là. Ouais, non, mais toi, c'est pareil. Il va falloir trouver des auditeurs sympas. Là, ils sont sympas, mais tu les jartes tout le temps. Gérard. Ouais, ouais. Salut Jean-Hubert. Oui, bonsoir Gégé. Mon salut, pote Jean-Hubert. Bonsoir tout le monde. Salut Jean-Hubert. Ciao. Donc alors, pour toi, que penses-tu de... Mon pote. Bon, tu réponds à la question correctement et c'est tout. Oui, c'est un standard, Gérard. Tu peux me répéter. Oh là, non, je répète plus les questions. Désolé, j'étais au standard, moi. Je ne veux pas le savoir, t'avais qu'à écouter la radio, plus les questions. Mais c'est pas de ma faute. Je ne répète plus les questions. Alors, je vais te répondre. Tu peux répéter à ta place, Gégé, si tu veux. Ouais, vas-y. Bah, en fait, est-ce que tu penses qu'avec les 35 heures, il y aura moins de chômage? Mais c'est pas ça, c'est okay. 39 ou 35 heures. Comment? C'est pas ça du tout, la question. Ouais, c'est vrai. Bon, ouais. Gérard, je te réponds. Bon, Fildar. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, Gérard. Fildar. Oui, Gérard. Tu vas me les calmer tous. Parce que ça va mal se terminer. Bon, pour l'instant, t'es en train de me faire un débat en couille. Gérard, pour te calmer, vu que je trouve que c'est toi qui es le moins calme dans ce débat, il y a Turpentine, Sieur IRC, qui te demande... En fait, elle dit que donc on travaille 35 heures par jour, mais vu qu'il n'y a que 24 heures par jour, où sont passées les 11 heures qui manquent? Non. Justement, La question, on va la poser, c'est est-ce que vous travaillez 35 heures par semaine ou par mois? Parce que par jour, tu ne peux pas faire 35 heures. C'est impossible. Mm-hmm. Parce que t'as 12 heures dans une journée. Ouais. T'en as 24. Ah non, 12. Mais non, 12. Ah, c'est con, quoi. Bah, t'es vraiment con, toi. Mais des mecs qui bossent de nuit. Il y a 12 heures. Dans une journée, bien sûr. Et ça commence... Ça, tu fais de minuit à midi, ça fait 12. Mmh. Et après, tu refais... De midi à minuit, ça fait 12, ça fait 24. Ouais, et 24. Et alors, et après, 24 et 24, 48. 48 heures. Est-ce que le patron va te payer 48 heures? 4 plus 2. Il va pas te payer 48 heures, il va te payer combien? 7 divisé par 3, ça fait combien? Racine de 12. Il va te payer combien? Bah, 24 heures. Non, il va te payer 35 heures. Et alors, est-ce que les heures supplémentaires sont payées? T'en sais rien. Ça, c'est une question que je vais poser. Ça, c'est du blague, c'est ce que tu fais, c'est ton bise. Gérard, ça, c'est pas mon problème. Gérard, sinon, il y a Catel sur l'IRC qui te demande comment on va faire pour les décalages horaires par rapport aux autres pays, vu qu'ils n'auront pas les 30... On en a rien à foutre, Rigo, ta gueule. Oh. Bah attends, ta gueule toi-même. Espèce de con. Donc, je répète. Répète pas, lâche l'affaire. Oh, les mecs. Oh, hey. Toi, tu fermes ta gueule. Parce que là, pour l'instant, vous êtes deux PD en train de me faire des conneries. Tu kiffes, mon chou? Oh, c'est pas toi, ouais. Bon, Max. Max, il est où? Non, mais il va arriver, vas-y. Vas-y, on rigole. Donc, c'était pour savoir... Bon, allez, hop. Moi, je parle avec vous. Non, mais on plaisante, Gérard. Vas-y, Gérard, Gégé, la pauvre Catel, elle va pas avoir de réponse à sa question. Ouais, comment on va faire? La pauvre Catel. Rappelez Gérard. C'est barré. C'est toi, Catel. Gérard. Reviens. Mais on rigolait. Allez, Gégé, viens. Bon. Rigo, repose ta question sérieux. Repose ta question sérieux. Allez, vas-y, Rigo. Elle va pleurer, en plus, à cause de toi, elle va pleurer, Catel. Vas-y, reviens, Gérard, merde. Vas-y, pose ta question. Ne me mets pas dans la merde, comme ça. Vas-y. Bah, les auditeurs, Manu. Bon, les auditeurs. Ouais. Allez, Gérard. Il t'appelle tous. Gérard. Vas-y, reviens. Allez, Gérard. Non, c'est pas ça. Gérard. Non, là, je veux pas parler de lui. Lui, il fait des conneries. Lui, là-bas, c'est pareil. Ah, il est là, il est là. Et puis l'autre, elle est pour rien. Mon pote.

Ouais. Alors pourquoi le gouvernement a voté les 35 heures? Tu me vires. Oui, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et tu me cherches quelqu'un d'autre? Ouais. Et tu vas et. Ouais, ouais, vas-y, tu vas me mettre qui? Bah attends, je vais chercher. Ouais, ouais. Bah garde la feuille, je te redonnerai tout à l'heure. Non, tu cherches là, ah, bah, sur les lignes. Parce qu'il y en a ras-le-bol maintenant. Hein. D'appeler les habituels. Hein. Alors, pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? On va demander ça à Eva Laguillet. Alors, à mon avis, tu sais, ils nous ont pris pour des cons parce que, en fait, on n'arrêtait pas de faire des manifs et tout. Alors, ils se sont dit, bon, bah, pour les calmer, on va leur donner 35 heures, on va leur enlever 4 heures. Comme ça, ils vont être contents. Mais en fait, c'est n'importe quoi. Voilà. Non, mais justement, là, y a le truc, qu'on se pose, c'est... Bon, celui qui renifle comme un bouc, arrête! Gérard, il est peut-être malade, hein. Moi aussi je suis malade et je renifle, mais... Oh, j'ai attrapé une angine, excusez-moi. Pas comme un bouc. Oh là là, putain, mais il y a encore des habituels ou quoi, là? Mais il a attrapé une angine. Non, non, tu me prends pas dans le bouquin. J'ai attrapé une angine. Non, tu me prends en standard. Mais c'est moi, je n'ai pas d'habituel. Bah, on n'est pas des habituels. Oui. Donc, alors attention, ça va cartonner fort. Attention, ça va péter. Ah, j'ai un petit sondage, ça peut être bien ça. Un petit sondage de Davy One sur l'IRC. Ah, alors, 25% des internautes travaillent 70 minutes par heure. 22% des internautes aimeraient réentendre le titre du dernier disque qu'on a entendu sur Fun. Tu peux le redonner ou ça c'est le prochain? Non, bah on peut pas. C'est les ouvriers en retard avec. Après avoir. Alors ça c'est une écriture à fil d'art, c'est pas grave, c'est les ouvriers en retard, avec après avoir bouffé, c'est Hiroshima dans mon slip. Voilà, 15% des internautes trouvent que parler travail à 1h30 du matin c'est pas humain, et 89% des internautes espèrent que le débat va durer 35 heures. Non, mais alors attends. Attends, il y a une question que je voulais dire, que travailler, il y a une question là que j'ai pas très bien suivi. Tu me dis, sauf à part faire 35 heures lors des débats, mais c'est l'autre avant. Comme quoi, 25% des internautes travaillent 70 minutes par heure. Ouais. Bah voilà. Il y a bien des routiers qui travaillent plus que ça. Plus que 70 minutes par heure. Ah oui. Mmh. Donc, faudrait qu'ils se mettent d'accord. Hein. Bah ouais, c'est clair. Donc, alors, c'est toujours la même question. Mmh. On André. Est combien On a perdu un peu, comme t'as gueulé, t'as dit que t'allais arrêter et que ça avançait pas, mais on est quand même à 7238. C'est beau. Bravo, Gérard. Ouais. Alors on y va dans le calme, comme ça, ça va remonter. Alors, pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures. Alors, me dites pas, oui, parce que c'est des entreprises, ceci, cela. Moi, j'ai une réponse à ça. Donc, on va demander à... Jean Hubert. Non, à André. Oui, salut, tu vas bien. Alors, moi, je pense que le gouvernement a voté 35 parce qu'il voulait s'aligner comme on travaille 5 jours par semaine et que 39, rien qu'au niveau des chiffres premiers... c'est pas tellement simple. Moi, je non, crois mais André, oui, ouais. André, et les agents de sécurité, ils travaillent combien de temps par semaine? Ouais, non, mais attends, je parle pas des agents de sécurité. Comment? Qui c'est qui dit ça, là? Non, mais je parlais pas des agents de sécurité, je dis. Non, mais attends, André. Il ouais. y en a une c'est qui a dit, ils foutent rien. Ah, bah, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, mais c'est une bonne nana, à part ça. Je vais trouver, vas-y, je continue. Donc, alors, André, pour toi. Bah, moi, simplement, je pense qu'ils essayaient, au niveau des chiffres, de s'aligner sur 5 jours. On travaille 5 jours par semaine. Donc, il est normal que le nombre d'heures, eh bah, ça se termine également par un 5. Ouais, mais. Non, mais c'est pas parce qu'il y a 5. Normalement, dans une semaine, il y a 7 jours. T'es d'accord ouais. avec moi? Ah, bah, complètement. Bon, certaines entreprises ne font que 5 jours par semaine. Oui. Donc dans les bureaux, ils travaillent que 5 jours par semaine. Oui. Les agents de sécurité font 7 jours sur 7. Oh, les chauffeurs routiers font 7 jours sur 6. On est bien d'accord. Les chauffeurs de taxi font 7 jours sur 7. Oui. Les infirmières font 7 jours sur 7. Les ambulanciers. Les ambulanciers, c'est pareil. Les chauffeurs de taxi, c'est pareil. Donc, ils travaillent dans les casinos. Les agriculteurs aussi. Hein. Non, mais même à la radio, même que tout le monde soit relayé, n'ayez crainte, tout le monde fait 7 jours sur 7. Alors, pourquoi que le gouvernement a demandé les 35 heures ? Gérard, sur IRC, il y a Snooze qui me dit que selon un journal, il m'a donné la marque, mais je le citerai pas puisque pas de marque, le vote a été truqué. On ne sait pas parce que ça a été voté à l'Assemblée, donc on ne sait pas. Mais moi, je peux vous dire une chose, que là-dessus, je suis contre. Mais c'est tout. Gérard, je voulais te demander pourquoi ils ont choisi 35 heures et pas 36 ou 34. Ouais. Bah ouais. Et non, mais ça c'est pour pourquoi pour qu'il y ait moins de chômage. Mais alors, ça aurait changé quoi si c'était 34 ou 32 ou 36. Non, mais même, de manière que tu me dises 34 ou 36, de manière ça reviendra au même. On aura autant de chômage. C'est pas pour ça que les jeunes de moins de 25 ans ou plus de 25 ans trouveront du boulot. C'est pas possible. Ça, c'est pour ça qu'ils ont choisi 35 alors. Mais pourquoi ? Mais ça, c'est le gouvernement qui l'a voté. C'est pas nous. Nous, c'est sûr, quand on vote pour les élections pour élire un président, maintenant, on l'a. On en chie. Donc, c'est quand même avec lui. Lui, il a fait son gouvernement pour tout. Donc, maintenant, on en chie. Et tu as voté, toi ? Moi, je vais dire une chose. Tu sais ce que je fais, moi ? Bah non, mais j'aimerais bien que tu me le dises. Tu vois, moi, je prends ça. Ouais. Et je mets ça dans l'urne. Juste un truc blanc. Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Parce que ça soit 35, 39, de manière, on en chiera quand même. C'est pas pour ça qu'il y aura moins de chômage. Au contraire. C'est, à l'heure actuelle, le chômage, il augmente. Grâce à qui ? Grâce à eux. Et c'est pas eux qui vont nous déboucher. Parce que pour l'instant, ils sont dans les entreprises. Dans les entreprises. Ils sont même pas capables de remplacer ceux qui s'en vont en prêt, en retraite. Mais comment on va faire alors ? Ça va être le bordel. Hein. Ah ben... Il y aura plus de chômeurs. Là, le chômage, il est arrivé à 7 300 000, je sais plus combien. Sur l'IRC. Est-ce que tu peux avoir les 7 millions de chômeurs sur l'IRC en même temps? Non, mais moi, je voudrais que sur l'IRC, il y a quelqu'un de sérieux qui me donne le chiffre réel du chômage à l'heure actuelle. Wow. Gérard, j'ai un mec au standard, là, qui l'a. Non, je m'en fous, moi. T'as le chiffre ? 8 millions 42. Non, je m'en fous. 8 millions 42. Ouais, combien ouais. Après ? Parce que moi, on est en train de 722. 47. 47, ouais. Voilà. Ouais, bah, je pense qu'on a, on a plus de 8 millions de chômeurs. Ciao. On a plus de... On a atteint. Alors, qui c'est qui a pas répondu ? Pâté en croûte. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Je sais plus. Ah non, c'est pas bon ça. Alors toi, c'est non, pas bon, tu fermes ta gueule. Je viens d'arriver à l'antenne en fait. Non, mais c'est pas toi que je m'intéresse. Non, c'était Jean Hubert, mais il disait c'est pas bon, ça se souvient pas de la question, mais la question non, c'est mais, pourquoi lui, le gouvernement a-t-il choisi 35 heures. Ah d'accord. Alors moi, je vais dire une chose, Fildar. Oui. Tu vois, on va faire une pause. Oui. Je vais poser la quatrième. Non, on passe à la cinquième parce que celle-là, on a répondu, c'est bon. Ouais, c'est vrai, on passe à la cinquième. Passe à cinq. Calme, Rigo. Passe la 5 et mets un peu d'huile. Alors, est-ce que les pays étrangers ont accepté les 35 heures ? Non. Vu qu'ils ne répondent pas, Gérard, sur IRC, il y a l'IA qui dit « J'ai fini ta cassette et joue au jeu, merde. » Ouais, bah c'est bien. Moi, ouais, j'ai même pas pu répondre à la question sur les 35 heures. Et on va se mettre Gigi le Brésilien de Suresnes avec de la glu 3. Je m'épile l'arrêt et on se retrouve juste après. Les débats, pas de radio et pas d'insultes, de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter Gigi des Brésiliens de Suresnes avec de la glu 3. Je m'épile avec l'arrêt. C'était donc, bien ça. Vous êtes toujours sur Fun Radio, donc il y a toujours Fildar et... Ben, Fildar pour l'instant, il est en train de voir quelque chose, je sais pas où. Il va arriver. Au standard, donc 0800 70 5000, c'est bien ça le numéro ? Non, 0800 08 5000. 0800, non, 0803 08 5000. Voilà. Et toujours le 3615, code Fun Radio, rubrique directe, Manu qui est à l'arrière. Venez, donc, voilà, je vais lire vos messages. Donc, si c'est des messages bidons, c'est pas la peine. T'inquiète. Ok. Et toujours Rio sur le sur l'internet www.frfunradio. Et on est combien? Alors, attends, faut que j'attende une seconde. On est 7847 moins 1. Ah mince. Parce qu'il y en a un qui est entre... 7847. Là et là. Ah ouais, mais c'est quelqu'un de bien. Ouais, c'est un pote. Ouais. 7847 et je veux que ce soir, on atteigne les 10 000. Rien que pour faire péter l'Audimetamax. Donc, on reprend. Donc, c'est toujours les débats sur les 35 heures. Donc, on va abréger parce que, vu que... Ouais, à 2 heures, on passe à l'autre. Ouais, ben, je le sais. Max a dit. Ouais, ben, je le sais. T'avais qu'à venir avant. Ah, vas-y. Avant, on aurait pu faire les 10 questions. OK. Alors, pour quel genre de métier seront acceptées les 35 heures et... Oh là là. Oh, putain. Ça, c'est le téléphone de quelqu'un, ça va. Non, mais c'est pas mal, Fildar. Ouais, Fildar. Ouais, bah pour l'instant, on n'a pas d'auditeur. On a plus personne. Mais je suis là, Lascar. Je te lâcherai jamais, mon pote GG. T'es qui, toi? Moi, je suis Jean Hubert. Ouais, ben, toi, tu vas te calmer, d'accord? Ah ben, moi, j'ai la pêche, Lascar. Y a pas de problème. Ouais, ben, Lascar, moi, je t'emmerde. Ben, c'est gentil, Lascar. Ok. T'as rien dit? T'as rien dit? Non, mais moi, arrêtez de me prendre la tête. Ok, d'accord. Hein? Ok, pas de problème. Alors, pour quel genre de métier seront acceptées les 35 heures? Donc, pour toi? Pour les métiers de journaliste. Mm-hmm. Des boueurs. Ouais. Non mais attends, déjà les éboueurs, ils font pas 35 heures, hein. Parce qu'ils ils commencent par non, exemple. Y en a aussi, hein. Non, pas tous, hein. Pas tous. Non. Mais il y en a certains quand même. Non, pas tous. Tony, tu fermes ta gueule. Quoi? Il y a pas de Tony, Gérard. Ça va pas, Gérard? Il y a pas de Tony là. Il y a pas de Tony. Oh. Il y a pas d'habituel. Hein. Ouais, non, il y a pas d'habituel, on verra. Donc, moi je te dis, Jean Hubert... Jean Hubert. Ouais, ben, moi je te dis, les éboueurs ne font pas les 35 heures. Ouais, c'est faux. Ils font pas les 35 heures. Non, parce que... Bon, bah, d'accord, bah, je te crois. Ils commencent à 5 heures du matin. Oui. À 8 heures, ils sont dans leur lit. À 8 heures, c'est quoi, du matin ou du soir? Non, du matin. Oui. Hein, ils sont couchés. T'es d'accord avec moi? Ok. Jusque-là. Après, ils reprennent sur les coups de 17 heures. Oui. Hein? Mm-hmm. Et ils finissent à 20h, 21h. Okay. Donc, ça fait combien d'heures en tout? Ouais, ça doit bien faire 35 heures. Ouais, vers les 35, non? Non, parce que faut dire une chose que certaines villes, t'en vois pas beaucoup, hein. C'est vrai, il y a des villes, c'est un peu crade quand même. Ouais, c'est ça clair. Se sent bien. Donc, Gérard, sur IRC, il y a Yankee qui dit que les animateurs de débats pourris, ils font pas 39 heures. Il y a aussi Bocal qui dit sur le Minitel que les éboueurs, ils travaillent 35 heures devant la baraque à GG. Alors, Manu, tu fais une chose. Tu vas me remonter le clavier. Bocal, c'est pas gentil. Non, mais tu me remontes le truc avant que ça soit moi. Ça y est. Et je veux plus entendre parler du Minitel. Donc d'accord. Le Minitel, ça sert à rien. Donc, IRC, la question, c'était... Il y a Lagafou qui me demande de regarder mon mail parce qu'il voulait connaître une bonne zik techno, je sais pas quoi. Bon, la musique techno, peut-être qu'on en aura. André est parti, on accueille Force Ouvrière à la place, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Eva. Mon pote. Alors, en fait, il fallait que je cherche les métiers de ceux qui acceptaient les 35 heures, c'est ça? Pour quel métier, pour quel genre de métier seront acceptées les 35 heures? Je vais vous dire une chose, c'est pas parce que je suis arrivé à la bourre, mais il faudrait peut-être qu'on active parce que dans moins de deux minutes, je change. Oui, bah alors, papa. Alors, vous acceptez? Vous répondez vite fait. On répond alors. Ceux qui n'ont rien à dire, vous fermez vos gueules. Ouais. Et aussi compte tes pieds. Alors va te faire enculer. Oh, ça, c'est pas gentil ce qu'il a dit, lui. C'est clair. Ah, c'est pas gentil. Eh ben, l'aiguillère. Oui, l'aiguillère, s'il te plaît. Et, ben, en fait, je pense qu'il y a les ouvriers, donc, genre, les fabricants, genre, ceux qui font les escaliers, les pantalons et tout. T'as les docteurs, à mon avis, 35 heures. T'as, je sais pas, moi, ouais. Les éboueurs, ouais, je suis d'accord, ouais. Mmh. Puis, non, c'est vrai que les animateurs, ils font pas leurs 35 heures, à mon avis. Non, mais pour quel genre de... Mais ben attends, mais... Elle est bouchée, celle-là. Non, mais... Elle est con, Fildar, hein. Fildar, Fildar. Allez, hop, tu me la dégages, tu me la dégages. Allez, hop, terminé. Oh, non, mais... Appelez des mecs. Allez, hop, au revoir pour elle. Non, moi, je m'endors pas sur une nana comme ça. Hop, au revoir. Salut. Patin en croûte. Oui. Moi, je pense que ce sera les professions libérales. C'est-à-dire ? Comme les buralistes, les vendeurs de journaux, les grossistes en cigarettes. Je sais pas de marque. Hein. Les dealers aussi. Les dealers. Oh, ouais, attendez. Oui. Hey, les mecs, vous fermez vos gueules maintenant. Parce que sinon, moi, je vais conclure et j'attaque le deuxième débat dans moins de deux minutes. Pas de problème. Pas de problème, Tony, hein ? C'est pas Tony. Mais Gérard, c'est pas Tony, là, c'est Jean-Hubert. Oh ouais. Continue, Gérard. Je continue, il y a les caissières, les professeurs d'auto-école, les gens qui vendent des trucs sur le marché, les gens qui balayent dans la rue, mais ça on en a parlé tout à l'heure, les pilotes d'avion, aussi les DJs. Attends, c'est qui là? C'est Pâté en croûte. Pâté en croûte. Pâté en croûte. Oh, tu fermes ta gueule, toi, quand je parle? Oui, je t'écoute, Gérard. Hein? Donc, pour quel genre de métier seront acceptés les 35 heures? Donc, tu précises des jobs. Mais pourquoi tu parles pas des chauffeurs routiers, tout ça, les ambulanciers? Ça les concerne pas. Ils bossent déjà 55 heures par semaine. Donc, on va pas les faire bosser 34 heures en plus. Hein. Non, mais attends. Est-ce que tu penses que eux ils font 35 heures? Mais non. Ils font pas 35 heures. Attends 5 minutes derrière s'il te plaît, celui qui parle. Oui. Est-ce que tu penses que les ambulanciers font 35 heures? Mais non plus, ils font non pas plus. 35 heures. Est-ce que les chauffeurs de taxi font 35 heures? Mais non. Non. Est-ce que les animateurs font 35 heures? Oh bah non, loin de là. Bon bah alors. Donc dans ces cas-là, je me demande pourquoi. Donc, je reviens là. On aurait pu la mettre avec la 3. Pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Pour faire chier, justement, ceux qui font pas 35 heures. Ben oui, mais si les patrons veulent pas que les employés fassent les 35 heures, donc, est-ce qu'ils seront payés plus cher ou moins cher? Les patrons? Non, les employés. Mais ça dépend ce qu'ils font. Ouais, mais attends, tu prends un chauffeur routier. Par exemple. Non, mais attendez. Ouais. Est-ce qu'un chauffeur routier, lui, par exemple, il part du dimanche soir... Il part d'où? De Bordeaux. Bon, de Bordeaux. Il part de Bordeaux un dimanche soir à quelle heure? Non, pas Bordeaux, Nantes. Nantes, c'est mieux. Nantes, tiens, de Troyes. Rien que pour faire chier. Bah, ok, si tu veux. Allez. Il part de Troyes. Non, il part de Troyes. Ah, d'accord, ils sont trois. Non. Ils partent de Troyes, la ville de Troyes. Ah, ils partent tous les trois. Là où c'est les Andouillettes. D'accord. Donc, j'ai compris. Ils partent de là-bas. Ouais. Ils ont un truc en urgence à livrer en moins de 24 heures. Un piano, par exemple. Voilà. Sur la région parisienne. Mais où? Sur la région parisienne, je te dirais pas où. Est-ce que... on précise. Rue de Convention. Rue de la Convention. D'accord, rue de la Convention, admettons. On va prendre cette rue-là comme c'est Fildar qui le dit. C'est donc, quel arrondissement? Bon, t'arrêtes de te foutre de ma gueule ou sinon tu dégages? C'est bien de préciser. Non, mais attends, t'es en train de te foutre de ma gueule ou quoi là? Ouais. Bah vas-y, explique, t'arrives à quelle Allez, heure? Allez, hop. Allez, dégage. Hop, allez. Bonne nuit, pâté en croûte. Mais non, mais Gérard, ça se fait pas. À la place de pâté en croûte, on accueille Stéphanie Roger, bonsoir. Direct. Stéphanie. Oui, bonjour. Salut. Salut, Steph. Salut, Steph. Salut. Salut. Alors, bon, pour finir, salut. Parce que... Salut, Fildar. Salut. Oh, ça y est. Salut, GG. Ta gueule. Bon, attends, je te dis bonsoir. Vous avez fermé vos gueules un peu. Voilà, t'écoutes, Gérard. Oui, maître. Bon, c'est bien. Manière, Gérard, dans une minute, on arrête. Sur Yastley, il y a Isti qui te dit que, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec la parité? Parce qu'en fait, ça fait 17,5 heures pour les femmes et 17,5 heures pour les hommes. Oh, mais ouais, non. Les filles, elles en branlent pas, ouais. C'est connu. Parce que lui, il préfère regarder ses cassettes du Big Bill plutôt que d'écouter le débat, si tu comprends pas, quoi. Non, mais attends, parce qu'il y a des trucs qu'il faut bien se mettre dans une chose, dans sa tête, c'est que le gouvernement a voté les 35 heures. Pourquoi? On n'en sait rien. Pour qu'il y ait moins de chômage. Mais à l'heure actuelle, il y a plus de chômage qu'autre chose. Parce que tu vas pas me dire qu'un chauffeur routier fera 35 heures. C'est faux. Ça regarde. Il en fait bien moins. Hein? Tu rigoles? Non, c'est toi qui viens de parler. Non, c'est toi parce qu'il est en train de chercher. Il dit rien. Alors c'est toi qui viens de parler. Les chauffeurs routiers, les chauffeurs routiers, eux, ils font plus de 35 heures. C'est faux. Et toutes les combien aussi? Non, mais attends, ils partent le dimanche. Ouais. Hein, et ils rentrent un jour sur deux chez eux. Mm-hmm. Et Tana qui partent. Eh ben, ça plus fait loin. 20 heures ça par semaine. Oui, 20 heures par semaine. Gérard, mais je voulais te demander, attends, si le mec il met 35 heures pour amener une baguette de pain, elle va être pourrite, hein, la baguette. Non, mais attends, on ne parle pas des boulangers. Non, mais parce les routiers qui mettent le pain. Non, j'ai jamais vu des pain. Non, j'ai jamais vu des smirmans qui lèveraient le pain. Hein. Et puis, toi, tu fumes la moquette, toi, t'es comme la gaffe, hein. Enfin, bref, passons. Une dernière question, quand même. Parce que moi, je vais te faire un petit truc, Goldo. J'ai pas répondu. Je crois que. Vas-y, réponds. Alors, c'est Farce Ouvrière, je peux répondre? Ouais, Goldo. Non, ah, Farce Ouvrière. Pas du tout, tu reconnais pas la voix, c'est pas. Non. Donc, les professions. Alors, moi, j'ai réfléchi un petit peu. Vous parliez des éboueurs, je suis pas du tout d'accord. Par contre, on parle pas des éboueurs. On parle de tous les métiers en général. Justement, je vais étayer. Bon, attends, 5 minutes. Il y a une question IRC. Il y en a plein, et comme Shkoumoun, il va aller se coucher, je vais lire sa question. Il voulait savoir si les prostituées, elles vont faire des. Elles vont sucer 35 heures maintenant. Pour le même prix, hein, faut préciser. Ouais, pour le même prix. En euros. En euros ou en France, c'est pareil, c'est le même prix. Bah non. Putain, mais arrêtez de parler d'euros! C'est vrai, merde. Putain, mais éteins ton micro et fais ton boulot, là. Il y a des lignes qui sonnent. Prends-moi des gens pour le deuxième débat. Ouais. C'est fait. Non, mais regarde. C'est qui pour le deuxième débat? Bah, j'ai pas les noms, mais j'ai les numéros, regarde. Ah ouais, fais voir. Je rappelle tout ça. Non, fais voir. Tu me gardes. On fait le débat, allez. Ouais, je te préviens, garde. Si ça va mal, le deuxième débat, il fait comme le premier, on arrête à la septième. Ouais, Gérard, tu peux répéter la question? Non. Rollerie. Comment se passe une journée de 35 heures? Ouais, Gérard, tu peux répéter la question? Allez, hop. 35 heures. Gérard, faudrait peut-être faire la conclusion, là, en fait. Allez, hop, terminé, on fait conclusion. Non, les 35 heures, on les refera un peu plus tard, parce que là, vous me faites chier. On les fera dans 35 heures, un truc comme ça. Ouais, toi, tu fermes ta gueule. Pas de problème, mon pote GG. Toi, tu fermes ta gueule, parce que là, vous me faites chier. Bah, on est gentil avec toi. Ouais, mais prenez-moi les habituels, allez-y. Bravo. Bravo, Fulda. Faut pas prendre les habituels, Gérard. Bravo. C'est très bien qu'il n'y ait aucun habituel. Non, presque pas. Attends, Tony, tu l'as viré tout de suite, il a pas fait de mots. C'est ça. Conclusion. Le pauvre manière, Arnett et le pauvre Goldberg, ça se fait pas. Ouais. On fait la conclusion, les auditeurs. Allez, conclusion. Bon, c'est Farce Ouvrière. Ouais, vas-y. Ouais, bah, Gérard, tu peux répéter la question? Alors, conclusion. Donc, je te disais, moi, je trouve que pour un gars qui fait deux pauvres heures d'émission par semaine, je te trouve gonflé de faire un débat sur les 35 heures. Et voilà, je vois pas trop ce que tu connais aux 35 heures, à part 35 heures de foncer ou de tease, je vois pas trop. Mais sinon, alors toi, bien. Tu vas te faire enculer, toi, espèce de sale pédé. Au revoir. Merci. Ouais, Jean. Ouais. C'est moi. Direct. Jean Hubert. Donc ouais, pour un mec qui a 35 heures de retard, je trouve que aussi, faut être un peu grande gueule pour parler d'un débat de 35 heures, parce que c'est clair que tu bosses une heure par semaine ou deux. Et donc, je trouve que tu devrais continuer de t'excuser auprès de tous les auditeurs jusqu'à 4h du mat. C'est ça, t'as raison. Alors là, moi non plus, je suis pas d'accord. Là, tu vas te faire foutre. Quoi, t'es pas d'accord? Non, je te kiffe, Manu. Merci. Ouais, d'accord. On t'a à peine reconnu, toi. Et il y a quand même Stéphanie Roger. Et Stéphanie. Ouais, alors moi, je trouve que quand même, j'ai pu remarquer que t'étais quand même vachement calé en politique. Hein. Je suis quand même pas mal impressionnée. Hein. Tu connais vachement de trucs sur les 35 heures. Donc ouais, c'était intéressant, non, bien. Non, mais ce qu'il y a, je suis pas calé. Je suis pas calé en politique, c'est qu'en ce moment, ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils nous parlent des 35 heures sans arrêt, ils nous gonflent. Bah ouais, mais attends, va essayer de... par exemple, moi, je demande, est-ce que le gouvernement va trouver du boulot pour un jeune de moins de 20, de plus de 25 ans? Non. Bah ouais, c'est clair, mais... Ils trouveront pas. Bah ouais. Bon, Gérard, t'es toujours d'accord pour le... Ta gueule, toi, derrière. Mais je trouve que t'es quand même pessimiste, hein. Il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à trouver un petit peu de boulot, quoi. Ouais, non, mais attends, mais faut se dire une chose, c'est que le gouvernement, c'est eux qui l'ont voté, c'est pas nous. C'est faux ce que tu dis. Ta gueule, à toi, c'est faux, là, tu vas te faire enculer, toi, tu me fermes ta gueule, maintenant. Ok. Oh. Et toi, tu fermes ta gueule aussi, Manu. J'ai rien dit. Maintenant, vous arrêtez. Vous allez pas me percier pour le deuxième débat. Parce que sinon, je vous éclate. Pas de problème. Ok. D'accord. Alors maintenant, c'est le gouvernement qui a choisi ça. Ouais. Maintenant, le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est qu'ils se plaignent pas que même s'ils ont pas, même pour les étudiants, c'est malheureux à dire, même si les étudiants, ils ont pas assez de professeurs pour réussir leurs études, c'est à cause d'eux. Ouais. C'est à cause du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui pousse à merde. Par contre, je peux te poser une question. Est-ce que les enseignants, vont faire 35 heures, à ton avis? Ben ouais, mais tu vois, la question, je te renvoie à la balle. Pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Ben, est-ce que tu crois que les enseignants vont faire 35 heures? Moi, je te dis non. Pourquoi que le gouvernement a voté les 35 heures? Pourquoi qu'il nous les a pas laissés à 39 heures? C'est vrai! Ben ouais, non, c'est vrai, on peut se poser la question, hein. Donc, alors pourquoi? Donc, maintenant, c'est au gouvernement de voir ce qu'il a à faire. C'est ce que tu dis. Ouais, tu me les vires là. Ceux-là, j'en ai ras-le-bol. Et toi, tu as mettre un de. Les bidules là, y a parce rien. Que tu m'énerves. Y a rien. Donc, moi je peux dire une chose, que c'est de la faute du gouvernement. C'est faux. Ouais, mais ils abusent de la bière, à mon avis. Hein. Bon, Stéphanie. Oui, non, je te dis, ouais. Non, parce que... Non, mais pour l'instant, à mon avis, c'est quelqu'un qui s'amuse à passer sur toi. Donc moi, je peux te... merde, on kiffe tous. Je réponds à ta question, donc c'est de la faute du gouvernement, c'est pas de notre faute. Ouais, c'est tout. Ouais. C'est vrai que tout le monde a voté, maintenant, on l'a, on a ce gouvernement-là. Mais on va en chier. Hein. On va en chier pendant 5 ans. Couple. Donc, voilà. Ouais, non, c'est dur. Et maintenant, pour ce qui est des 35 heures, maintenant, ça va être dur, parce que maintenant, tout le monde va avoir du mal à s'habituer aux 35 heures. Même l'EDF, tu vois, l'EDF... GDF aussi, GDF. EDF, GDF, c'est pareil. Alors, merci pour celui qui me le dit. Donc, eux, c'est pareil, ils en ont marre, parce que faire 35 heures, ça leur fait travailler que 5 jours dans la semaine. Les acteurs pour moi. Mais GG, si EDF, GDF travaillent que 35 heures, nous, on fera comment pour avoir de la lumière, de l'électricité? Non, mais attends, mais le problème, il est... Oh là. Non, mais attends, je lui réponds, je vais répondre à sa question quand même. Oh non. C'est comment qu'on va avoir du courant? Bon ben, ils nous le branchent et c'est tout. Ah oui. Mais ils travaillent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, c'est tout. Bon, ça fait 5 jours. Mais sur 5 jours, alors tu fais pour atteindre 5 fois 7, 42, 7 fois 42. 52, oui. Non, 6 fois 5, 30. Gérard, comme tu sais pas compter sur IRC, on me dit qu'il faudrait mieux que tu fasses ta conclusion, quoi. Ça sert à rien d'essayer de compter. Ouais, mais moi, sais je pas. Les emmerde sur l'IRC maintenant. Donc voilà. Donc je pense que j'ai pu te répondre à ta question. Ouais. Super. Complètement. Mais c'est bête parce que il y avait d'autres questions, mais on leur fera le débat de toute façon. Les 35 heures, c'est pas encore passé. Hein. Bah ouais. Comment c'est pas encore passé les 35 heures? Si, ils sont passés. Ah bon? Non, mais maintenant, tout le monde a voté pour les 35 heures. Maintenant, on fait 35 heures. Merde. Rigo, une conclusion sur l'IRC à part. Alors, il y en a plein. Alors, il y a Perfouras qui dit à RIP qu'officiellement, il peut pas faire rentrer de gens, mais pour cette fois, ça sera bon si c'est l'IA ou si c'est Catel. Je vois pas trop de quoi il parle. Et il y a Turpentine qui te dit connard de Gérard, ton débat, il a ni queue ni tête comme toi. Eh ben moi je l'emmerde elle. Ma soeur, elle commence à me casser les noix. Couilles. Les noix. Oui. Elle commence à me casser les couilles. Alors, au deuxième débat, je ne veux pas t'entendre pour ta conclusion. On était combien pour finir? Alors là, on a dépassé les 8000, contrairement à ce que Arnett me dit, parce que lui, il est sur un autre serveur et il me dit que chez lui, il n'y a personne. Je ne sais pas pourquoi. On est 8240. Manu, ouais. S'il te plaît, ah. Tu arrêtes de couper le micro à Rigaud. Ça ne sert à rien. T'as rien touché mon cul. Alors, tu laisses Rigaud parler, s'il te plaît, merci. Donc, on est 8428. Mmh. Vas-y, note. 8428. En euros. Et normalement, d'après ce qu'on m'a dit, il devrait y avoir encore plus de monde parce que... Il y a un quart de Suédoise qui arrive à 2h30 sur Internet, il paraît. Et maman dans ta gueule, toi. Deux quarts de Belge. Donc, le débat sur les 35 heures, on va les repaire. On va les repaire, mais c'est pas grave. Grâce à Fildar et Manu. Alors, celui que... J'ai compris. Sinon, il y a Fesse de Babouin qui dit que les 35 heures, c'est comme tes débats, c'est une aberration. Ouais, ben lui, il va se faire foutre, parce que son numéro, il est déjà transmis au commissariat de Suresnes, alors qu'il fasse gaffe à sa gueule. Alors, le deuxième débat, ça porte sur quoi, Gérard? Ça portera sur les collections. Alors, la première question qu'on va poser, c'est que peut-on collectionner de valables ou autres? Et on s'écoute les fonctionnaires de ce branle avec « Viens me raboter les parois anales ». Et on se retrouve tout de suite après.